hostile. La mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue, guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Chopé par le mauvais, nique ta lope, chope ma clope devant ma table posée. Feuilles blanches commencent à exploser, exploser par ma chaussée. Faussée à présent, décortique l'ensemble d'une pensée enterrée. Mouro, la tête pleine de poudre pétée. L'étoile rouge au goulot, goule haut, je vis en barreau. Cité dans l'oubli ou peu ressenti, là où on plaque ta figure minée pour rien dans un sac de riz. En temps, le temps va pas avancer. Cogitise tout ce qui reste dans les blocs, c'est pas du ciné. Dedans, sur la pente lisse, vers bliss, on glisse. Combien de yeux se plissent, fils, mais trop tard le mal est fait. Dans le noir, protège ta carcasse. La nuit, le matin passe, comme d'hab, me casse les. Ressasse ma rage fait, pas facile, combien de cerveaux ont serré. Coincé entre quatre murs enfermés, les cœurs deviennent des glaçons. La résistance est de rigueur ici, ne montre pas ta peur ou tu feras couler ton sang. Dans ce béton armé, les innocents sont rares, frérot. Comme les joints qu'on rêve d'avoir le soir. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue, guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue, guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Lâché à 13 ans dans la rue sans père, y'a pas de secret, faut se démerder. Pas de leçon, pas de morale, juste des faits. Un jour on finit par merder. On s'y fait, l'ambiance autour d'un sifflet frappe dans les ballons pour nous vider. Des fois des moulons se forment, ça donne des idées cousins. Garde ta forme de danse en chrome, faut dégager. Je reste des heures à contempler le ciel, mais y'a rien. Des gars répond, plus de saints que de démons. Un pauvre con qui s'enfonce, fonce comme les autres à l'époque. Je suis bien un jeune loup en quête de blé pour le jackpot. Aucune réflexion, voilà la sanction. Prison, si j'avais su combien de faux frères me pistaient. Maintenant de ces machins ils sont assistés. Mes principes les ont enterrés. Le choc fut brutal dans la rue. Rafale de pompe, les caisses flambent. Les mômes pleurent, les mères crient. La cohue, vitrine qui pète, les balles sifflées. Au milieu je m'en suis sorti, je sais pas comment. Mais bon, dur à encaisser de mourir vivant. Me faire choper j'y pensais pas. Maintenant j'ai tout le temps déjà la harpa. En occupe 90%. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Pas de morale, je l'ai déjà dit. Même moi je sais pas où j'en suis. Un croquis des images, dommage la vie est tout autre. Pote, encaisse ceux qui blessent au fond. Écoute ça, mes lettres sentent le boucan. Les mains jaunes couleur safran. Je dépite tes conneries avec le peu de neurones qui restent. Les grâces me laissent, l'enfer me teste. Chaque minute jamais me donne du lest. Chute, pute, les prostituées volontaires se butent. Rien à faire, chacun sa mère et Dieu pour tous, s'il y en a un. Je me pose des questions, la merde se mousse dans les nations. On représente la rançon, allez-vous. La dernière bouffée, la fierté. Si je manque de respect, c'est pour le nôtre. Les grottes, les menottes nous plottent comme tes potes le font avec les sottes. Chaude, à froid, chez moi, les proies s'accroient. C'est toujours les mêmes qui portent la croix. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue, guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. Hostile, la mauvaise graine pousse sur des barils. Dans la rue, guette quand vient ton heure, on t'envoie pas de lettres. La vie est ainsi faite, t'entends, le destin toujours surprend. Des miettes, voilà ce qu'on prend. On se comprend, gamin, fais pas semblant. Les têtes dures ici, c'est pas pour semblant. 9-7, Sad Hill, Freeman. Représente le vrai, sans le montrer. Pas besoin de le montrer. On vit ce qu'on vit. Il y a des gens qui m'envient. Khamsa, Khamsa, Khamsa, Khamsa, Khamsa, Khamsa.